Ouais, c'est l'équipe du 8-9-5, 100% de terrain qui subit la pression, qui veut pas se laisser enterrer. Mais est-ce que la planète tourne en rond? Car quand on voit ce qui se passe en Bappé, on se demande où on va. Je veux voir les bras en l'air, et pourtant c'est pas un cash, bras frère. Avec mes gars, j'pars faire un son s'il y a du H, parfait. Le rap c'est comme le foot, faut faire sa place comme Thierry Henry. Et si tu montes pas au Temple, au moins t'atterris sans risque. Viens chez moi dans le rap, les gens te diront y'a danger là-bas. Viens faire un tour chez les démons, tu verras que l'ange la passe. Si au micro t'es face à moi, tu te diras non, j'ai la poisse. Même si t'es incohérent comme ce facho Angier là-bas, faut qu'on se mette frais. Direction on adore Tanger Rabat et nique l'érage qui disait dans le rap. Non, tu géreras pas, j'suis pas le mec qui serre la main après avoir graissé la patte. Non, j'suis celui qui l'attend comme si tu me passais le mic. Ouais, RIFA c'est pour SENS et tous les alentours qui peut tester. On fait du lourd, on a les talents pour. C'est pour les vrais, pas les putes en balle, des talons salopes. Les MC font du sur place pendant que les talons galopent. Ouais, c'est l'équipe du 8-9-5, c'est à pour son terrain qui subit la pression, qui veut pas se laisser enterrer. Mais est-ce que la planète tourne en rond? Car quand on voit ce qui se passe en Bappé, on se demande où on va. J'pose des bombes et cause des torts, ouais j'pose un corps, j'donne corps et âme sur le macadam. Je pose mes couilles comme Corleone, j'adore les armes, sache qu'on est hal. On a l'art et la manière donc on se régale, connard. On n'a pas la même vie, je vois la diff dès qu'on se regarde. Vos heures de mine, je produis des rimes antipersonnelles. Tu risquerais de te faire péter comme un pigeon qui perd son aile, ouais désolé. Tu peux ramasser tes oreilles, j'suis acteur de mes poèmes. T'as ma parole, personne en ville, train de vie qu'on mène. J'ai mauvaise mine mais je me démène, je me démerde comme je le peux. J'fais pas partie de ceux qui vendent leur tarpé pour un joint de bœuf. 22 les que j'fais avec, pourtant j'ai pas besoin de eux. C'est des ou les cowboys et ça t'éma du coin de l'œil. Effectivement j'ai fait des trucs fêlés, mais les généraux au microphone c'est les généraux dégénérés, pas généreux. Mon placé AEF, fais donc ton état PR. On fume du shit qui te rendrait ouais tout blanc comme du cadre. Ouais c'est l'équipe du 8-9-5, c'est à pour son terrain qui subit la pression, qui veut pas se laisser enterrer. Mais est-ce que la planète tourne en rond? Car quand on voit ce qui se passe en Bappé, on se demande où on va. Ouais c'est l'équipe du 8-9-5, c'est à pour son terrain qui subit la pression, qui veut pas se laisser enterrer. Mais est-ce que la planète tourne en rond? Car quand on voit ce qui se passe en Bappé, on se demande où on va. RIFA frère, AEF, danse.